Le spectacle de la troupe de propagande artistique centrale de l'Union des travailleurs agricoles pour célébrer le 5e anniversaire de la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée s'est déroulé le 29 à la ferme coopérative maraîchère de Changchun, arrondissement de Sadong. Y ont assisté les officiels intéressés de l'Union des travailleurs agricoles et les agriculteurs. Le spectacle a exalté les exploits du dirigeant suprême Kim Jong-un, qui continue brillamment l'idée révolutionnaire de Sun Gun et la cause des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il pour faire honneur à notre patrie de grande union nationale, puissance politico-idéologique et militaire sans rivale.